Chapitre 4. Quelque temps après cette mémorable journée, prélude de misère stoïquement supportée, Denis, toujours sourd à la voix paternelle, vint habiter une maison de la rue du Vieux-Colombier. Sur l'emplacement d'autrefois, on a rebâti une maison neuve en pierre de taille qui n'est pas à l'alignement des autres et dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique d'un marchand de meubles d'occasion et l'étal d'un boucher. Au premier étage, elle enseigne d'un monte-piété. Là, pour une modique somme, il loua une petite chambre où ses bouquins le suivirent et où il continua ses études. Dans cette maison habitait une dame d'un certain âge qui tenait avec sa fille un petit commerce de lingerie. Denis rencontra un jour cette demoiselle dans l'escalier. Il fut frappé de sa beauté, de l'air de noblesse et de décence qui semblait rayonner autour d'elle. L'impression qu'il en éprouva fut si grande qu'il se sentit frappé comme d'un coup de foudre et qu'il en devint éperdument amoureux. Il prit des informations auprès de son hôtesse. Il avait su capter ses bonnes grâces par une foule de ces bons offices que rendent les hommes intelligents et dont on se garde bien de leur savoir gré. Heureux quand ils ne sont point bafoués pour savoir tant de choses qui ne leur servent à rien et qui sont si utiles et si agréables aux autres. En outre, est-il besoin de le dire, l'hôtesse était d'un naturel bavard, et elle s'empressa de donner à son favori les détails les plus circonstanciés qu'on peut résumer ainsi sur le compte de la mère et de sa fille. Mademoiselle de Malville, fille unique d'un gentilhomme du Mans, ruiné au service, épousa par inclination un manufacturier d'étamine de sa province, riche et bien élevé, appelé Champion. Cet homme, ayant la fureur des spéculations, dérangea ses affaires. Au lieu d'abandonner ses projets, il en forma de nouveau et se ruina tout à fait. Le désespoir d'avoir perdu sa fortune termina bientôt sa vie. Madame Champion, veuve et n'ayant rien, vint à Paris avec sa fille âgée alors de 3 ans. Une amie de son enfance lui donna une retraite, et sa fille fut mise au couvent des Miramionnes pour y apprendre à travailler assez bien pour n'avoir besoin des secours de personne. Madame Champion perdit son amie, vint retirer du couvent sa fille qui avait alors 16 ans, s'établit avec elle dans ce petit logement, et toutes deux faisaient le commerce de dentelles et de linge. Elles vécurent ainsi, paisibles et heureuses. Elles avaient des meubles décents et environ 2000 écus d'économie. Quelques commerçants avaient voulu épouser Mademoiselle Champion, mais elle préférait son travail et sa liberté à un époux qu'elle n'aurait pu aimer. L'hôtesse termina sa longue narration en prévenant Denis que ces deux dames vivaient dans la plus grande solitude, et qu'elle recevrait difficilement un homme de sa figure et de son âge.